approcher même un instant ces yeux-là. Je te promets que je ne les oublierai pas, même si ce n'est qu'un moment. Je t'en supplie, prends-moi dans tes bras sur la lune, près des dunes. Je te promets de faire le poids. Même un instant, ces yeux-là, je te promets que je ne les oublierai pas, même si ce n'est qu'un moment. Je t'en supplie, prends-moi dans tes bras sur la lune, près des dunes. Je te promets de faire le poids.